بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On continue donc l'explication du livre maintenant, Kitab Tawhid, avec le sharh de Sheikh Abdurrahman ibn Hassan, Qurrat Uyun al-Muwahidin, et les commentaires de Sheikh Al-Fawzan sur son Ta'liq al-Mukhtasar, Ta'liq al-Mukhtasar al-Mubin, على قرة عيون الموحدين. Et donc on est arrivé à l'endroit où le cheikh il explique, il dit واشتد غضبهم, يعني غضب القبوريين لمعبوداتهم كما قال تعالى المشركون كذلك لمعبوداتهم يغضبون لمعبوداتهم كما قال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون وقال تعالى وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا وقال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون اعلموا أن لا إله إلا الله تنفي الشرك الذي وقعوا فيه وأنكروا التوحيد الذي دلت عليه فصار أولئك المشركون أعلم بمعنى هذه الكلمة لا إله إلا الله من أكثر متأخري هذه الأمة لا سيما أهل العلم منهم الذين لهم دراية في بعض الأحكام وعلم الكلام وجهلوا توحيد العبادة وأنكروه فوقعوا في الشرك المنافي له وزينوه. Donc le Cheikh Ibn Cheikh Abd al-Rahman Ibn Hassan, il a cité ici des versets qui indiquent que comme par exemple il déteste le tawhid et ceux qui appellent au tawhid et il se fâche pour leurs idoles, il se fâche pour les défendre. Et il mentionne le verset 45 dans Sourate Az-Zumar, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne que lorsqu'on mentionne Allah seul, le cœur de ceux qui ne croient pas en l'au-delà s'emplit de dégoût. Ils sont dégoûtés par l'unicité d'Allah, le fait qu'on mentionne que Allah. Mais quand on mentionne les autres en dehors de lui, les idoles et les autres choses que les mushrikines adorent en dehors d'Allah, les voilà qui se réjouissent, ils sont contents quand on invoque d'autres que Allah. Et il cite également le verset 46 dans Surat al-Isra. Donc on va lire la traduction de ce verset-là. Ton téléphone, il parle, mon frère. Donc le verset 46, ça signifie... est-ce que c'était 46 qu'on a dit? Oui, le verset 46 dans Surat al-Isra. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset-là ce qui signifie. Et quand dans le Coran tu évoques ton Seigneur l'unique, il tourne le dos par répulsion. Il tourne le dos par répulsion. Subhanallah, ils n'aiment pas que tu mentionnes Allah seul. Ils veulent que tu mentionnes les idoles en dehors d'Allah. Et il cite également le verset dans Surat As-Saffat 35 et 36 dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala il dit et lorsque on leur disait la ilaha illallah, rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et ils s'enflaient d'orgueil et ils disaient allons-nous abandonner nos idoles pour un poète fou? Donc ils refusaient de vouloir cesser d'adorer leurs idoles. Et Cheikh Al-Fawzan, il donne des commentaires à propos de ces versets-là. Et il dit, le verset précédent, le verset de Surat Az-Zumar, on l'a expliqué au dernier cours. Que lorsqu'on mentionne Allah seul, le cœur de ceux qui ne croient pas en l'au-delà s'emplit de dégoût. Ça, on l'a expliqué. Et l'autre verset dans Surat Al-Isra, le verset 46... Cheikh il explique, il dit ay idha zakarta at-tawhid wa ifrad Allah subhanahu wa ta'ala وإذا ذكرت التوحيد وإفراد الله بالعبادة ولو على أدبارهم معرضين لأنهم لا يريدون أن يتركوا ما هم عليه. وهذه هي المصيبة التي أهلكت كثيرا من الأمم، يعني تعصب للباطل وحمية الجاهلية. فالواجب على الإنسان الذي يريد النجاة أن يدور مع الحق حيث دار، فإذا كان ما عليه حقا سأل الله الثبات، وإذا كان ما عليه باطلا تركه وأقبل على الحق وصارع بإنقاذ نفسه من النار. والدعاة إلى الله عز وجل هم أنصح الخلق للخلق وأحصرهم على نفع الخلق وإنقاذهم من الهلاك. Donc le cheikh il dit que lorsque tu mentionnes le tawhid, l'unicité d'Allah dans l'adoration, et le fait de rendre l'adoration d'Allah exclusive à lui seul, et à personne d'autre que lui, tu les vois se tourner le dos, hein, ils tournent le dos et se détournent complètement, ils s'éloignent, parce qu'ils ne veulent pas délaisser ce qu'ils font et ce qu'ils pratiquent, hein. Et donc ça c'est ça le grand malheur qui a fait que beaucoup de nations ont péri, parce qu'ils ils s'attachent fanatiquement au faux, hein, et à ce qui est faux, et ils s'y attachent aussi avec orgueil et fierté, hein, surtout quand ils sont dans l'ignorance de la jahiliya. Et donc c'est ça que tu vois, il dit, c'est pour ça qu'il est obligatoire à quelqu'un, à toute personne qui voit la vérité, hein, s'il veut le salut, s'il veut être sauvé, il doit suivre la vérité là où la vérité l'amène. Hein, là où la vérité s'en va, il va. Hein, il suit pas d'autre chose. Et donc, s'il suit déjà ce qui est vrai, il demande à Allah de le raffermir. Mais s'il est sur le faux, eh bien, il laisse le faux et il se tourne vers la vérité. Et il se précipite pour sauver son âme du feu de l'enfer. Il dit, les gens qui invitent les hommes à Allah, ce sont les plus sincères des hommes qui veulent le bien pour les autres. Ceux qui appellent les hommes à Allah, il n'y a personne parmi les gens qui veulent plus de bien et qui sont plus sincères envers les gens que eux. Et il n'y en a pas non plus qui veulent plus de le bien de l'humanité et des créatures que eux. Hein? Parce qu'ils veulent sauver les gens de qu'est-ce qui les amène à la perte, à leur perte. Hein? Donc tu vois, des fois il y a des gens, ils font toutes sortes de choses pour les gens. Ils vont dans des endroits où il y a des catastrophes, ou des endroits où il n'y a pas de nourriture, ou des endroits où les gens sont pauvres, et puis ils vont leur donner de l'aide, ils vont leur donner de la nourriture, ils vont leur construire des maisons, des choses comme ça. Et eux, c'est des koufars, hein, ils croient pas en Allah. Ils font pas ça pour Allah, ils font ça pour la dunya, ou bien ils font ça juste pour aider, sans que ce soit pour Allah. Et ça c'est un bien, mais celui qui vient pour les amener à l'islam et au tawhid et les sauver du shirk et du kufr, il leur fait encore plus de bien que ceux-là, parce que les autres, il leur donne que du bien pour des choses de la vie d'ici-bas, tandis que celui qui les appelle à la foi et au tawhid et à l'unicité d'Allah, ils sauvent leur âme du feu éternel de l'enfer. Ça, c'est plus bien, c'est plus important que d'avoir une belle vie ou d'avoir de la nourriture ou d'avoir du bien matériel. Et ça, beaucoup de gens, ils ont du mal à comprendre ça. Que la foi, c'est plus important que tous les biens matériels que tu peux posséder. Même que la foi, c'est plus important que la nourriture que tu vas manger ou que l'eau que tu vas boire. Hein? Si tu n'as pas d'eau, le pire, au moins si tu es mu'min, tu sais que si tu meurs, tu vas au paradis, inshallah. Si tu es un mu'min, tu n'as pas rien à manger, tu sais que tu vas mourir, au moins tu sais que si tu meurs, ton âme, elle va au paradis, inshallah. Tu vas aller hein, au paradis, tu vas être sauvé de l'enfer. Mais si tu es un mouchrek ou un kafir et que tu as toute la nourriture pour manger, tu as toute l'eau pour boire, hein, tu as tout ce que tu veux manger et boire, tout ce qu'il faut, mais que tu meurs, après tu meurs dans le shirk et dans le kufr, après tu vas aller dans l'enfer pour l'éternité, alors à quoi ça sert? Et qu'est-ce qui est malheureux, comme le cheikh l'a mentionné ici, c'est qu'il y a des gens, ils voient la vérité, ils refusent de la suivre, malheureusement. Pourquoi? Parce qu'ils suivent leurs parents, leurs ancêtres, leurs traditions. Hein? Et combien de fois on a discuté avec des gens comme ça? Surtout les gens qui viennent de pays, qui ont des traditions ancestrales, hein? Ils sont très très très attachés à ça. Et même si tu leur prouves que, écoute, qu'est-ce que tes parents ils faisaient? Tes grands-parents, ils étaient sur le faux. Leur religion, c'est faux. Ils adorent des idoles, ils adorent des statues, ils adorent des êtres humains, ils adorent des animaux. Ça, c'est bâtel. Il dit, même si c'est bâtel, moi, je les suis parce que hein, je suis mes ancêtres, je respecte la tradition, je respecte ma coutume, je respecte mes origines. Hein. Moi, je suis comme ça et mes ancêtres étaient comme ça. Et donc, si eux, ils étaient comme ça, ça veut dire, hein, je dois les suivre. C'est l'arrogance, l'aveuglement, hein? Et yani le fanatisme, le fait de suivre aveuglément les ancêtres, même s'ils étaient dans le faux. Yani c'est ça qui est triste. Et les gens, maintenant, on voit ça apparaître de plus en plus, même avec la montée des groupes dans plusieurs pays qui sont attachés à l'extrême droite. Vous connaissez l'extrême droite? C'est des groupes racistes, nationalistes. Hein? Et donc, quand ils voient l'islam, ils disent, ah, l'islam, ça c'est étranger, ça ne fait pas partie de nos coutumes, ça ne fait pas partie de nos traditions, ça vient des Arabes, ou bien ça vient des autres peuples, c'est pas notre histoire, c'est pas notre religion. Ils disent, nous, on peut pas être musulmans parce que notre histoire, elle n'est pas musulmane. Notre histoire, elle est chrétienne, donc on doit rester chrétien. Hein? Et ça, c'est ridicule. C'est un argument stupide. Parce que c'est pas parce que tes ancêtres étaient sur une religion que ça veut dire qu'elle était nécessairement la vraie. Hein? Il faut utiliser sa raison. Il faut utiliser le bon sens pour juger, analyser, voir les choses, pour voir, hein, est-ce que ça tient, est-ce que ça tient pas. Comment tu peux adorer une croix ou une statue, hein, et penser que cette chose-là peut t'aider ou te sauver en dehors d'Allah? Hein? Alors que c'est pas cette statue qui t'a créé, c'est pas cette croix qui t'a créé, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé tout l'univers. Et non Jésus, non Jésus c'est un prophète, c'est pas Allah, hein? Oui. Bon, tu veux dire avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est exactement, comme tu dis, eux ils disent qu'ils sont chrétiens aujourd'hui, avant Isa alayhi salam et avant que l'Europe soit chrétienne, ils avaient d'autres religions. Hein? Vous savez en Europe qu'est-ce qu'ils priaient les gens, qu'est-ce qu'ils avaient comme croyance avant la venue du christianisme. Hein? Avant Constantin, c'est le premier empire romain qui a accepté le christianisme, Constantin. Les Romains, c'était tous des idolâtres. Ils adoraient Jupiter, puis Neptune, puis Jupiter, puis toutes sortes d'autres noms de divinités, là, des étoiles qu'ils adoraient dans le ciel, ou bien des statues, Apollon, et je sais pas quoi d'autre encore. Hein? Tous ces gens-là, c'était des mouchriquins, kuffar. Ils priaient à plusieurs dieux. Hein? Des fois, ici, ils étaient fâchés avec un dieu, ils priaient à un autre. Et c'est comme ça. Ils disaient, oh, je ne veux pas prier ce dieu-là parce qu'il ne m'a pas donné ce que je veux, alors je vais prier à un autre. Hein? Donc, ils prient au dieu selon ses passions, ses désirs. Hein? Il y a un dieu qui fait son affaire, il lui donne ce qu'il veut, il dit, oh, moi, je vais prier à lui. Et quand il est fâché avec lui, il choisit un autre. Hein? Ou même des fois dans la famille, différentes personnes prient différents dieux. J'ai vu ça une fois dans un reportage en Inde. Dans la même maison, plusieurs personnes, chacun, ils ont leurs dieux différents. Hein? Et l'autre il dit, oh, moi je préfère prier ce Dieu-là parce qu'il est plus gentil, il est plus comme ça. Et l'autre, le père, il prie à ce Dieu-là, il dit, non, moi je préfère ce Dieu-là. Allah al-Musta'an, c'est quoi ça? Hein? Mais ça c'est l'égarement quand quelqu'un, il connaît pas, hein, le Créateur, il connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il va adorer n'importe quoi et il suit ses ancêtres dans le faux. Hein? Moi, je me rappelle, même ma grand-mère, elle me disait ça des fois. Ma grand-mère qui était catholique, du côté de ma mère, elle disait, moi, mes ancêtres, ils étaient chrétiens, donc il faut que je sois chrétienne. Je peux pas les changer, je peux pas aller à une autre religion, j'ai pas le droit de faire ça. Il faut que je respecte mes ancêtres. Et ça, c'est la même chose qui est arrivée avec Abu Talib. Hein? Abu Talib, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était l'oncle du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, accepte l'islam, dis la ilaha illallah, je vais te défendre au jour de la résurrection, hein, contre le châtiment d'Allah. Et il a dit, je veux pas que les gens disent que j'ai abandonné la religion de mes pères. Il a refusé d'accepter l'islam à cause de ça. Donc ça c'est une des choses qui empêche beaucoup de gens de suivre le haq, de l'argument qui est complètement faux, de dire que on suit nos ancêtres. Ouais, non, c'est ça. C'est pour dire que, parce que le frère tantôt il disait, les premiers chrétiens c'était eux qui étaient les musulmans. Yani, ceux qui parmi les chrétiens au début ont cru au vrai message de Isa alayhi salam, qui n'ont pas mélangé la croyance de Isa avec d'autres croyances, qui croyaient au tawhid et qui croyaient pas en la Trinité, qui croyaient que Jésus c'est juste un prophète, ça c'était les vrais chrétiens au début. Hein? Puis par la suite, Paul il est venu, il a changé le message de la religion des chrétiens, et c'est ça qui est devenu le christianisme après lui. Le vrai christianisme, c'est-à-dire pas le vrai christianisme plutôt, parce que le christianisme c'est un nom qui est apparu après Isa alayhi salam. Mais la vraie religion de Isa c'est l'islam, c'est ça, c'était l'islam et c'est le tawhid. Donc les vrais musulmans qui ont cru à Isa alayhi salam, ceux-là sont disparus par la suite. Et c'est là les autres qui ont corrompu le message d'Isa, qui ont propagé, hein, une religion falsifiée qu'ils appellent christianisme, puis que l'empereur romain Constantin par la suite a adopté. Et il a déclaré religion de l'Empire romain par la suite. Et c'est ça qui s'est propagé en Europe. Hein? Mais sinon, les Européens dans les différentes tribus, là, les Celtes, les Gaulois, les tous les autres peuples que les Romains considéraient des barbares, hein? Et ben, ils sont tous devenus chrétiens après. Hein? Et ça s'est propagé. Mais en fait, c'était juste une extension de l'Empire romain. Hein? Ils avaient juste adopté cette religion-là. Exactement. Oui. Jésus, il n'est pas italien, il n'est pas français. Hein? D'origine, à la base, Isa alayhi salam, c'était pas un français, c'était pas un italien, c'était pas un haïtien. Hein? Tu vois, les haïtiens, des fois, ils, quand on leur parle de l'islam, ils disent, ah, nous-mêmes, c'est pas arabe, nous-mêmes, c'est chrétien, nous-mêmes, c'est, nous, bah, nous, non, Jésus, nous suivons Jésus. Bon. Jésus était pas haïtien, hein. Jésus il vient d'un peuple qui est sémite. Comme les arabes sont des sémites, hein. Eh bien, les hébreux, c'est des sémites aussi. Et Isa, il fait partie de Bani Israël, des fils de Jacob. Il n'a rien à voir avec les peuples de l'Europe. Donc, tu vois les juifs aujourd'hui, là, tu vois, quand ils parlent dans la rue, comme ils parlent français, ils parlent anglais, ils parlent... Dans les pays où ils vivent, ils parlent la langue de ce pays-là. Mais beaucoup d'entre eux, entre eux, ils parlent hébreu aussi. Il y en a beaucoup qui ont perdu la langue hébreu, ils connaissent pas la langue du tout. Mais ils savent lire l'hébreu quand même. Ils le lisent, mais ils le comprennent pas, ou bien ils le comprennent pas bien. Et il ne parle pas couramment. C'est juste pour lire le livre, tu vois. Ah ouais, hein. Il est pur marocain. Ah oui, c'est ça. Il est juif marocain, là. Hein? il parle pas hébreu, il parle le marocain, le, l'arabe marocain. Non. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. نعم. Donc Ibrahim عليه السلام n'était ni juif ni chrétien, mais il était un hanif, un musulman. Eh, نعم. Un musulman, c'est-à-dire soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on parle de l'islam, les ulama ils disent que l'islam il a deux sens. Il y a l'islam dans le sens général. Et là, on parle de la religion de tous les prophètes, c'est-à-dire le tawhid d'Allah. Puis, il y a l'islam dans le sens spécifique et particulier, c'est-à-dire la religion telle qu'elle est venue dans la dernière révélation et dans la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans sa sharia. Hein? Parce que les prophètes précédents, ils ont tous eu la même croyance, mais ils avaient des lois et des règles différentes. Hein, oui, des législations différentes. Tandis, hein, ou le azm. Et puis les rusul, yani Moussa alayhi salam, ou Isa, Moussa jaa bil Torah, ou Isa bil Injil. Yani, chacun il est venu avec une révélation, et c'est une révélation qui était spécifique à leur peuple. Même Allah subhanahu wa ta'ala, Isa, il dit, wa rasulan ila bani Israël. Donc Isa alayhi salam, même son message, il n'était même pas pour tous les peuples. À la base, il est seulement pour Bani Israël. Et même il dit dans le Nouveau Testament des chrétiens aujourd'hui, c'est écrit, je suis venu que pour la brebis perdue de la maison d'Israël. Ça dit, je suis venu seulement pour les gens de Bani Israël, pas pour les autres peuples. Même qu'il y a des gens qui venaient d'autres peuples qui venaient pour lui demander des choses, il a dit non, moi je ne suis pas venu pour vous, je suis venu pour Bani Israël seulement. Oui. Mais après, bon, c'est-à-dire, moi je te dis que dans ce livre-là, dans leur livre actuellement, il y a des mentions de ça. Hein? Est-ce que c'est authentique ou non? On peut pas le prouver. Mais c'est juste que, comme on dit, parfois si tu vas argumenter avec quelqu'un, tu vas même utiliser en quoi il croit lui pour lui établir la vérité. Hein? Mais c'est sûr que ça confirme qu'est-ce qui est mentionné dans le Coran. Parce que Allah dit dans le Coran, wa rasulan ila bani Israël, en parlant de Isa. Il dit qu'il est un messager pour bani Israël, pas pour les autres peuples. Et dans la Bible, dans le Nouveau Testament, c'est écrit la même chose aussi. Donc ça confirme qu'est-ce que Allah a dit dans le Coran. Exactement. C'est comme si en voulant dire, quand il est venu pour demander de l'aide à Isa, lui il a dit, on ne donne pas la nourriture des enfants pour la jeter aux chiens. Et elle a répondu, elle a dit, mais même les chiens, ils prennent les miettes qui tombent de la table. En voulant dire, même si il n'était pas venu pour nous, mais on peut quand même profiter. Hein? Donc ça c'est qu'est-ce qui est mentionné dans leur livre. Donc nous, on ne croit pas en ça parce qu'il y a des falsifications qui ont été introduites dans leur livre. Mais si quelque chose est confirmé dans le Coran, nous on sait que ça c'est vrai. D'accord? Naam. Ensuite, le cheikh il explique, il dit... Donc ça c'est important de faire comprendre aux gens. Tu dis, peu importe que tes ancêtres ils étaient sur une religion. Tes ancêtres ils étaient juifs. Tes ancêtres ils étaient chrétiens. Tes ancêtres ils étaient hindous ou bouddhistes. Quand tu vas arriver au jour de la résurrection... Tu vas être jugé individuellement, tu vas être jugé pour toi. Tes ancêtres, ils vont être jugés pour qu'est-ce que eux ils ont fait. Toi, tu vas être jugé pour toi, qu'est-ce que toi tu as fait. Hein? Et le fait que tu refuses d'accepter la vérité à cause d'eux, ça c'est de l'ignorance. Hein? Tu ne peux pas rejeter la vérité juste parce que tes ancêtres l'avait pas connu ou bien refusait de la suivre. Hein? Ça fait pas de sens. C'est comme si ton père, supposons que ton père il était un voleur. Est-ce que toi tu te dis, ouais, mon père il était un voleur, moi je dois être un voleur moi aussi. Hein? Ton père il était un criminel. Tu vas dire, moi je vais être criminel moi aussi parce que lui il était criminel. Non. C'est pas parce que tes parents ou tes ancêtres ils faisaient quelque chose, ça veut dire que c'est correct. Donc tu dois utiliser ta raison. Allah il t'a créé avec un esprit, un cerveau, un cœur pour réfléchir, pour hein, pour distinguer entre le vrai et le faux. Donc si tu vois maintenant que tes parents étaient dans l'erreur, tu dois leur expliquer qu'ils étaient dans l'erreur. Oui, au jour de la résurrection, ça sera chacun pour soi. La ansaba baynahum yawma idhin wa la yatasaalun. Au jour de la résurrection, il n'y aura même plus de lien de parenté. Le père, il ne pourra pas demander à ses enfants pour l'aider. Et les enfants ne pourront pas aider à leurs parents. Et les parents ne pourront pas aider les enfants. Chacun, ce sera chacun pour soi. Les kullimri in yawma idhin sha'nu yughni. Hein? Subhanallah. Donc le cheikh dit ensuite, يقول الله تعالى عن أهل النار في أول سورة الصفات إنهم كانوا أي في الدنيا إذا قيل لهم لا إله إلا الله وهذه كلمة التوحيد كلمة تثبت التوحيد وتنفي الشرك يستكبرون عن هذه الكلمة ولا يقبلونها ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا فهموا أن معنى لا إله إلا الله ترك آلهتهم لأنهم عرب فصحاء يعرفون معنى الكلام العربي وأن معنى هذه الكلمة إثبات التوحيد ونفي الشرك وأن من قالها يجب عليه العمل بها وإلا صار كاذبا في قولها وهم لا يريدون التناقض والكذب وكثير من مسلم الوقت الحاضر يقولون لا إله إلا الله ويعبدون من دون الله الأضرحة ولا يأنفون من التناقض والعياذ بالله. Donc le cheikh il explique premièrement, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne à propos des gens de l'enfer au début de sourate As-Saffat que quand ils étaient dans la vie d'ici-bas, si on leur disait de dire la ilaha illallah, hein, rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, hein, qui est la parole du tawhid, la parole qui affirme l'unicité d'Allah et qui renie le shirk, ils s'enflaient d'orgueil en entendant cette parole, hein, ils s'enflaient d'orgueil par rapport à cette parole et ils refusaient de l'accepter, hein, ils refusaient de l'accepter et il disait يعني يقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. Donc quand ils entendaient rien ne mérite d'être adoré, ils disaient est-ce qu'on va abandonner nos idoles pour un poète fou. C'est-à-dire qu'ils comprenaient que cette parole-là impliquait de leur part, s'ils l'acceptaient, que ça voulait dire qu'ils devaient cesser d'adorer leurs idoles et qu'ils devaient adorer Allah seul, hein? Donc ils ont compris que la ilaha illallah signifie abandonner les idoles, cesser d'adorer autre chose que Allah. Pourquoi? Parce que c'était des Arabes, hein, qui comprenaient l'arabe clairement, hein, et l'arabe classique, et ils comprenaient la signification de cette parole arabe de la ilaha illallah et que cela signifie d'affirmer l'unicité d'Allah et de renier le fait d'associer avec Allah ou d'adorer d'autres que Allah. Et que celui qui prononce cette parole, eh bien, ça implique qu'il est obligatoire pour lui d'agir selon ce qu'elle signifie. Sinon, il sera un menteur. Hein? S'il le dit, mais qu'il l'applique pas. C'est-à-dire, s'il dit la ilaha illallah, puis qu'il adore autre que Allah, malgré tout, il continue à adorer les idoles, puis il dit la ilaha illallah, il sait qu'il est en train de se contredire, il est en train de mentir. Et eux, ils ne voulaient pas se contredire. Les mouchrikoun ne voulaient pas se contredire. C'est pour ça que quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur disait « Dites la ilaha illallah », eux, ils ne voulaient pas le dire parce qu'ils savaient que s'ils allaient dire ça, ils devaient arrêter d'adorer les idoles. Ils ne voulaient pas adorer les idoles et ils ne voulaient pas se contredire en disant cette parole-là et en adorant les idoles en même temps, parce que ça ne peut pas marcher. Que tu dis, rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, puis après tu adores des idoles en dehors d'Allah. Ça c'est une contradiction, c'est du mensonge. Donc eux ils voulaient pas se contredire, alors ils refusaient de dire, et ils persistaient dans leur idolâtrie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de musulmans se contredisent et ils ne comprennent pas la réalité de la ilaha illallah parce que ils disent la ilaha illallah mais ils adorent des idoles et les tombes et des saints et des morts en même temps qu'ils disent la ilaha illallah. C'est contradictoire, hein, comme les chrétiens, comme tu dis. Et donc ils n'ont pas peur du, ils n'ont pas honte de tomber dans la contradiction. Et ensuite le verset, il dit, donc Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans ce verset, أَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ يعني لِشَاعِرٍ يَعْنُونَ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم وَصَفُوهُ بِأَنَّهُ شَاعِرٌ وَحَاشَ وَكَلَّ أَنْ يَكُونَ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم شَاعِرًا وَلَمْ يُنزَلْ عَلَيْهِ الشِّعْرُ وَإِنَّمَا أَنزَلَ عَلَيْهِ وَحْيٌ وَقُرْآنٌ كلام الله سبحانه وتعالى وما عرف النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر ولا يحسن الشعر أيضا قال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له وقال تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون فهذا شأن الشعراء والله سبحانه وتعالى برأ رسوله من ذلك. Donc le cheikh il dit qu'ils l'ont traité de poète. Ils ont traité le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de poète. Hein? Ils ont dit, est-ce qu'on va abandonner nos idoles pour un poète? Hein? Un poète. Et le cheikh il explique que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais été un poète. Hein? Il n'a jamais récité de poèmes. Et ce qui est descendu sur lui, ce n'était pas de la poésie. C'est une révélation, c'est un Coran, une récitation d'Allah, hein, la parole d'Allah. Et donc, on n'a pas connu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme étant poète ou comme récitant des poèmes. Et il ne faisait pas de poésie non plus. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 69 dans surat Yasin, وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ. Hein? Et on ne lui a pas enseigné de poème. Et cela ne lui convient pas non plus. Hein? Ce n'est pas permis pour lui. Et dans l'autre verset, dans surat Ash-Shu'ara, dans les versets 224 à 226, dans surat Ash-Shu'ara 224 à 226, Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit la réalité des poètes et comment ils sont dans la réalité. Hein? Il dit, et quant aux poètes, 224, hein? Et quant aux poètes, ce sont les égarés qui les suivent. Hein? Il dit, ne vois-tu pas qu'ils divaguent dans chaque vallée et qu'ils disent ce qu'ils ne font pas, hein, comment Allah subhanahu wa ta'ala a décrit les poètes. Et donc ça c'est la réalité des poètes. Et Allah subhanahu wa ta'ala a innocenté son messager, hein, sallallahu alayhi wa sallam, de faire ce genre de choses ou d'être un poète. Et il dit ensuite, non seulement il le traite de poète, mais il le traite aussi de fou, parce qu'ils disent qu'il est majnoun, hein, majnoun, hein, possédé, il a un djinn, مصاب بالجنون وهذا من تناقضهم وآنفتهم كيف يكون شعرا مجنونا لو كان شعرا مجنونا كما يقولون ما ظهر دينه صلى الله عليه وسلم ما ظهر دينه هذا الظهور الذي غطى مشارق الأرض ومغاربها والذي تبين أنه صادق مصدوق وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا صلوات ربي وسلامه عليه. Donc il dit, comment ils peuvent le traiter de fou, hein? Ça c'est de la contradiction, hein? Ils disent qu'il invente des choses, puis après ils disent qu'il est fou. Ils disent qu'il est un poète, après ils le traitent de fou. S'il est un poète, comment il peut être fou, hein? Et en même temps ils disent, et si il serait un poète fou, hein, est-ce que sa religion serait aurait pris le dessus comme ça sur terre, du point à couvrir l'est et l'ouest de la terre, et se serait propagé de cette manière-là. Donc, Naam, avec tout ce qui est mentionné dedans comme verset, comme signe, comme preuve, il dit, ça c'est la preuve qu'il est le véridique, et que on croit en sa véracité, et qu'il est le messager réel d'Allah, hein, paix et bénédiction sur lui. Ensuite, le cheikh, il explique, il dit, et sachez que la ilaha illallah, c'est une négation du shirk dans lequel ils sont tombés. C'est-à-dire l'idolâtrie dans laquelle ils sont tombés. Et c'est une négation du shirk. Et eux, ils ont renié le tawhid, ils ont renié l'unicité d'Allah, hein, qui est indiquée par cette parole. Donc, il dit, ces gens-là sont devenus donc des mushrikoun, hein, en adorant autre que Allah. Et il dit que les mushrikin de leur époque, ou bien d'avant, avaient mieux compris la signification de la ilaha illallah que beaucoup d'entre les gens d'après, hein, de cette umma qui disent qu'ils sont musulmans et qui prononcent la ilaha illallah jour et nuit, mais qui malgré tout, hein, adorent autre que Allah. Hein, ils prient à des morts et à des tombes. Et il dit en particulier ceux d'entre eux qui prétendent à la science, hein, et qui connaissent certaines règles de la religion et qui ont étudié la philosophie ou la théologie, soi-disant. Hein? Donc ils ont étudié la théologie, mais pas la religion comme il faut, selon les bases de l'islam et la aqida du tawhid. Et ils connaissent certaines règles de l'islam. Ils connaissent les règles du fiqh, les règles hein, de l'héritage, les règles du mariage, les règles de la salat, hein, de la zakat, les règles de la prière. Ils connaissent ça, mais ils ne connaissent pas la signification du tawhid. Et ça, c'est ce que tu remarques dans beaucoup d'endroits où l'islam est enseigné, dans les universités, dans le monde musulman, où les gens apprennent les règles du fiqh, et ils apprennent beaucoup d'éléments de la langue arabe et des questions qui ont rapport avec le fiqh, l'aura, hein, et ils apprennent également d'autres sciences comme ça. Mais quand arrive la question de aqida et du tawhid, ils n'apprennent pas ça. Ils étudient la philosophie seulement. Hein? Et à cause de ça, ils ne connaissent pas la signification réelle de la ilaha illallah. Et donc le cheikh, il explique ça en disant, المشركون الأولون كانوا أعلم بمعنى لا إله إلا الله من علماء هؤلاء المتأخرين فقد يكون الواحد منهم عالما متبحرا في النحو والفقه والبلاغة والعلوم ولكنه في التوحيد صفرا ليس عنده شيء وعقيدته مبنية على علم الكلام وعلم المنطق وعلم الجدل وليست مبنية على قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يثبتون إلا توحيد الربوبية الذي أثبته المشركون فعقائد المتكلمين اليوم كلهم تدور على توحيد الربوبية الذي ما أنكره حتى أبو جهل وأبو لهب أما توحيد الألوهية الذي هو إفراد الله بالعبادة فهذا لا يدور في قطبهم وهم علماء فصار المشركون الأولون أعلم منهم بلا إله إلا الله ولهذا يقول الشيخ المجدد في كشف الشبهات فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. Donc le cheikh, il explique, il dit, les premiers mushrikoun de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et avant, hein, ils savaient la signification de la ilaha illallah. Il dit, tandis que les ulama de ceux qui sont venus aujourd'hui là, qui font le shirk, parmi eux il y en a qui sont considérés comme des savants. Parmi eux, hein, les gens qui adorent les tombes et les morts, il y en a parmi eux qui sont considérés par les gens comme étant des savants. Et donc il dit, c'est possible que l'un d'entre eux, tu les vois, ils sont des océans de connaissances dans les questions de grammaire, hein. Ils sont des maîtres dans la grammaire. Ils sont des maîtres dans le fiqh. Ils sont des maîtres dans le balagha, hein, les règles de la rhétorique et de l'éloquence et toutes ces questions-là. Ils ont plein de connaissances de diverses sciences de la religion, hein. Mais quand tu rentres dans la question du tawhid, ils sont zéro. Ils ont rien, hein. Ils ont rien du tout. Pourquoi? Il dit parce que leur compréhension de la croyance musulmane, elle est basée non pas sur le Coran et la Sunna. Elle est basée sur la philosophie. Elle est basée sur la dialectique, hein. Elle est basée sur les questions de dialectique et la logique grecque. C'est là-dessus qu'ils se basent seulement. Ils ne connaissent pas la religion. Regarde dans les livres de Aqidah des Asha'ira, comment ils enseignent le tawhid. Hein? Comment ils enseignent le tawhid dans les livres de Asha'ira. Ils ont un livre qu'ils enseignent à l'Azhar, ça s'appelle Jawharatul Tawhid. Regarde dedans. Regarde Al-Bayjouri, qu'est-ce qu'il explique dans ce livre-là. Il explique seulement Tawhid al-Rububiyya seulement. C'est ça pour eux le Tawhid seulement. Hein? Et c'est ça que le Cheikh il explique. Il dit ces gens-là, ils n'affirment que le Tawhid dans la Rububiyya. C'est quoi le Tawhid dans la Rububiyya? Le Tawhid de la Rububiyya, c'est une des trois catégories de Tawhid. Et c'est de dire que Allah est le Créateur. Et c'est lui qui est. Allah il existe. De prouver son existence, hein, et de prouver que c'est lui qui a tout créé, et que c'est lui le maître de toutes choses, que c'est lui qui fait vivre et qui fait mourir, et que c'est lui qui donne à toutes choses sa subsistance, et ainsi de suite. Donc ça c'est la rububiyya. Il dit, tous les êtres humains, hein, ils approuvent ça, ils acceptent ça. Il dit, même les mouchriquins de Quraysh, Abu Jahl, Abu Lahab, hein? Allah il dit à leur sujet, wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Hein? Tout ça, hein, c'est la rububiyya. Même les mushrikoun de Quraysh, ils croyaient en la rububiyya. Donc le cheikh il dit, la croyance de ces gens-là aujourd'hui, elle est la même que celle des mushrikins de Quraysh. Ils croient en la rububiyya seulement. Mais en ce qui concerne al-uluhiyya, le fait que seul Allah mérite l'adoration et que tu ne dois adorer personne d'autre que lui, ça ils ne l'acceptent pas et ils n'y croient pas, hein, ils le rejettent. Donc ça veut dire que les premiers mouchriquins avaient plus de connaissances de la réalité de ce que signifie la ilaha illallah que la preuve, ils refusaient de le dire. Tandis qu'aujourd'hui ils disent la ilaha illallah, mais parce qu'ils ne comprennent pas sa signification et parce qu'ils pensent que ça veut dire la khaliqa illallah, eh bien ils disent la ilaha illallah, puis ils adorent d'autres que lui. Ajib, hein? Eh oui, la ilaha illallah ça veut pas dire il n'y a pas de créateur excepté Allah. Parce que les mouchriquins ils savaient ça aussi. Hein? Il n'y a pas de créateur excepté Allah. Même les mouchriquins de Quraysh ils disaient ça. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils vont dire Allah. Allah il le dit ça dans le Coran à leur sujet. Hein? Ça ne veut pas dire il n'y a pas de Dieu excepté Allah, de tout puissant excepté Allah. Il n'y a pas de maître de l'univers excepté Allah. Hein? Ça, même les mouchriquins de Quraysh, ils l'affirmaient, ils le disaient eux aussi. Pourtant, eux aujourd'hui, ils pensent que c'est ça la réalité du tawhid. Et c'est pour ça que quand les gens leur ont posé la question à ces chouyoukhs-là, est-ce que c'est permis d'aller prier un saint à une tombe, hein, et d'invoquer autre que Allah ou des choses comme ça, ils disent oui, oui, c'est permis, c'est pas du shirk. A'udhu billah. Donc le shirk, ils l'acceptent. Hein? Et puis tu vois les chiites à la même chose. Il y a un frère qui m'a envoyé ça l'autre, il y a un jour ou deux. Il m'envoie un exemple, une vidéo des chiites en Iran. Ils ont un numéro de téléphone pour appeler Ali, Al-Hussein ibn Ali. Hein? Donc, par exemple, tu donnes une somme d'argent à la personne, et puis là, il appelle, il y a un téléphone qui sonne à côté de la tombe de Ali, et eux, ils répondent, ils lui font entendre ta demande à la tombe, puis là, ils répondent. Regardez, qu'est-ce qu'ils demandent. السلام عليك يا ابا عبد الله السلام عليك يا سلام السلام عليك يا عبد الله بسم ان شاء الله كل مريضان شفاء بده ان شاء الله امام سن هنا ما هركس حاجته ان شاء الله السلام عليك يا سيدي ومولاي السلام عليك يا ابا عبد الله الحسين جئتكم مستجيرا بك ان ترحم العراق والعراقيين السلام عليك يا مولاي يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت فنائك يا مولاي يا أبا عبد الله هؤلاء زوارك يأتون من كافة أنحاء العالم أسأل الله بالشأن الذي لك عنده أن لا يرجع منهم خائبا أنت أعلم بالقلوب والقلوب إن شاء الله تتقارب ولا أستطيع الطلب لأنك تعلمون فنسأل بجاه الله تو donc tout ça toutes des paroles de shirk comme ça ils appellent Al-Hussein Hein? Abu Abdullah, il l'appelle. Il a un numéro de téléphone. Puis ça, j'avais vu depuis longtemps aussi, ça, j'avais vu cette vidéo-là. Oui, c'est ça. Donc c'est pour dire, des gens, au lieu d'appeler Allah, Alimul Ghaibi wa Shahada, yani Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui peut leur répondre et exaucer tout ce qu'ils veulent, au lieu d'appeler Allah seul, ils appellent Ali, Al-Hassan, Al-Hussein et les autres en dehors d'Allah. Et les soufis, ils appellent d'autres parmi leurs awliya, ils les invoquent en dehors d'Allah. Tout ça, c'est du shirk. Shirk akbar. Nasallallahu al-afiyah. Donc le sheikh, il dit, c'est pour ça que le sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, dans son livre Kashf al-Shubuhat, il a dit, il n'y a aucun bien dans une personne que même les ignorants parmi les mouchriquins de Quraysh, les kuffars, ils connaissaient mieux la signification de la ilaha illallah que lui. Et donc c'est ça la réalité des gens aujourd'hui. Des gens qui disent la ilaha illallah, le jour, le matin, le soir, la nuit, ils disent la ilaha illallah sans arrêt. Puis après, à la première occasion, ils appellent un être humain et ils lui font des doigts. Au lieu d'adorer Allah et de faire le dua à Allah, ils appellent à un être humain, ils demandent à un être humain. Nasallallahu alayhi wa sallam. Après ça, le cheikh il dit, donc, la siyama ahlul ilmi minhum, alladhina lahum diraya fi ba'd al-ahkami wa ilm al-kalam, ay lahum dirayatun fi al-fiqh, wal-hadith, wal-tafsir, wal-lugha, ومع هذا لا يعرفون التوحيد بدليل أنهم ما اهتموا به الشيخ يقول ils ont des connaissances dans le fiqh dans le hadith dans le tafsir dans la langue arabe mais malgré tout ils connaissent pas le tawhid c'est la réalité يعني subhanallah tu vois la plupart de ces shuyukh là qui sont gradués de l'Azhar ou d'autres écoles parmi ces écoles qui enseignent la aqida ash'ariya et ilm al-kalam ils sont concentrés uniquement sur le fiqh, le tafsir, le hadith, la langue arabe. C'est seulement ça qu'ils connaissent. Mais quand tu arrives à la question qui est la base de l'islam, le plus important dans la religion, qui est le tawhid d'Allah et l'aqidah, ils ne connaissent pas. Ils ne savent rien là-dedans. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont donné à ce sujet-là aucune importance. Ils disent, tu veux savoir le tawhid d'Allah? C'est juste que tu saches que Allah il est unique, il n'y a pas deux dieux, il y a un seul dieu. Il n'y a pas deux créateurs, il y a un seul créateur. Si tu crois en ça, ça y est, t'es un muwahhid. Tu crois qu'il y a un seul créateur, il n'y en a pas deux, ou plusieurs, tu dis pas que Allah il a un fils, ça y est, t'es un muwahhid. Mais si tu pries à d'autres que Allah, ça c'est pas grave. Ça c'est pas du shirk. Allah musta'an. Donc il dit, ils n'ont pas donné d'importance au tawhid. Wala da'u ilayhi, ils n'ont pas appelé au tawhid. Wala qamu bihi, ils ne se sont pas tenus sur le tawhid. Bal ra'u anna at-tawhid huwa an tuqirra bi anna Allah huwa al-khaliq ar-raziq al-muhyi al-mumit faqat. Donc ils ont cru que le tawhid c'est de confirmer ou d'affirmer que Allah est le créateur, le pourvoyeur de subsistance, celui qui fait vivre et qui fait mourir seulement. Si tu as cru en ça, t'es un muwahhid, t'es sur le tawhid. Même si tu adores d'autres que Allah. الشيخ الذي اقرأوا أي كتاب من كتب عقائد أهل الكلام تجدون هذا. Il dit, vous pouvez lire n'importe quel livre parmi les livres des gens de Kalam, les philosophes et les gens de Ash'ariya et de Maturidiya. Vous voyez, leur aqida, elle est enseignée actuellement dans les pays musulmans. Je vous ai mentionné tantôt Jawharat al-Tawhid, qui est un poème. Et parmi les livres qu'ils étudient, celui qui est expliqué par Al-Bayjouri. Et il y a aussi, Al-Aqida al-Sanusiya. Parmi les livres des Asha'ira, il y a aussi beaucoup d'autres livres comme ça qu'ils enseignent. C'est tous des livres qui enseignent uniquement Tawhid al-Rububiyya seulement. Ils se concentrent que là-dessus. Ils ne parlent pas de Asma al-Sifat. Pourquoi? Parce que les As-Sifat yanfounaha. Ils ne parlent pas des attributs d'Allah parce que les attributs, ils les nient. Ils affirment 7, qu'ils affirment à moitié presque, et les autres, ils les nient. Où ils les déforment de leur sens. En ce qui concerne le Tawhid al-Uluhiyya, ça n'existe pas pour eux. Ça n'existe pas pour eux. Et donc, il dit le Sheikh, اقرأوا أي كتاب تجدون هذا وأيضا هم لا يستدلون بآية ولا حديث وإنما يستدلون بعلم الجدل. لو كان كذا لكان كذا ولو كان كذا لكان كذا. Il dit en même temps aussi, non seulement il parle pas d'autre chose que de la Rububiyya. Le seul défi pour eux, c'est de prouver de façon rationnelle et logique que Allah existe et qu'il est unique. C'est ça pour eux le grand défi dans la croyance. Et ils réalisent pas que la majorité des êtres humains déjà, Allah, il a écrit même dans leur fitra que Allah existe. L'existence d'Allah, c'est quelque chose que tous les êtres humains connaissent au fond de leur âme, parce que Allah, il a écrit ça dans notre fitra. On ne peut même pas le nier, même si on le nie avec la bouche, dans notre cœur, on le sait. Allah, il a dit ça à propos des mushrikin. Et à propos de Pharaon, وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَلَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا. Ils le savent que Allah existe. Ils le savent que c'est lui le créateur. Même les athées, ils reconnaissent ça. Mais le problème, c'est pas ceux qui nient. La plupart des gens qui nient, la plupart, comme on a dit, ils croient en Allah, mais c'est l'orgueil et l'arrogance qui les empêchent de vouloir l'admettre. Mais le problème, c'est ceux qui affirment son existence, mais qui, au lieu de l'adorer lui seul, adorent d'autres que lui, ou d'autres avec lui. Les chrétiens, ils croient en l'existence de Dieu. Les juifs, ils croient en l'existence de Dieu. Les bouddhistes et les hindous, ils croient en l'existence de Dieu. Il y a en tout cas certains d'entre eux, ils croient en l'existence de Dieu. Sinon, le problème, c'est que même s'ils croient en lui, ils adorent d'autres que lui. Ils refusent de restreindre leur adoration à Allah seul et de limiter leur adoration à Allah seul et de suivre l'exemple des prophètes et des messagers d'Allah et d'appliquer le tawhid. Les chrétiens, si tu leur demandes, il y a combien de dieux? Je vous défie, demandez à n'importe quel chrétien, il y a combien de dieux? Est-ce que vous pensez qu'ils vont vous dire qu'il y a plusieurs dieux? Non, ils vont vous dire qu'il y a un seul dieu. Ils ne peuvent pas dire autre chose parce que dans leur livre, c'est ce qui est écrit. Dans leur livre, c'est écrit que Dieu, ton Dieu est un Dieu unique. C'est le premier parmi les 10 commandements que tous les chrétiens connaissent. Le premier des 10 commandements, c'est quoi? Un seul Dieu, tu adoreras. C'est le premier commandement. Et pourtant, quand il prie à Jésus, il prie à Marie, il prie à toutes sortes d'autres choses. Et il croit en plus à la Trinité, qu'il y a un Dieu qui est en 3 personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, que les 3 forment un seul. Ils disent pas que, ils disent les 3, il y en a 3, mais ils forment un. C'est ça qu'ils appellent le mystère de la Trinité. Ils disent que c'est un mystère parce qu'ils peuvent pas l'expliquer, puisque c'est insensé, ça fait aucun sens. Ils disent, tu peux pas le savoir, tu peux pas le comprendre dans cette vie, tu vas le comprendre seulement au jugement dernier. Au jugement dernier, il va être trop tard pour le comprendre parce que ça va être l'enfer. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Le cheikh dit, non seulement ils parlent que de la rububiyya, mais en même temps, ils ne prennent pas les preuves du Coran et de la Sunna pour prouver quelque chose, établir quelque chose de la croyance. Ils ne ramènent que des arguments rationnels et des discussions, de la dialectique. Hein? Donc tu vas voir, par exemple, quand ils parlent de n'importe quelle question à propos de la croyance, ils vont dire, et un tel a dit, et un autre a dit. Et si on dit ça, ça veut dire ça. Et si on dit ça, ça veut dire ça. Et si on disait ça, ça voudrait dire ça. Que des opinions d'hommes. Aucune preuve basée sur qu'est-ce que Allah et son messager ont dit. Hein? Tandis que quand vous voyez par exemple les livres des ulama de Ahl Sunnah, comme par exemple les livres de par exemple Cheikh Ibn Uthaymeen, ou bien Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab, ou Cheikh Ibn Taymiyyah, ou tous les grands imams et les grands ulama de l'islam, quand ils écrivent le livre, tu vois par exemple, yani chaque fois que tu tournes une page, tu vois c'est soit un verset ou soit un hadith. Tu vois Kitab al-Tawhid de Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab. Ouvre Kitab al-Tawhid. Tu vois, dedans, il n'y a que des versets et que des hadiths. Tu vois ici, à l'Usul al-Thalatha, hein, les versets, ils les ont mis en vert. Et les hadiths, ils les ont mis en rouge. Donc tu vois que la page entière est presque toute en vert et rouge. Il n'y a presque pas d'écriture noire. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils ne parlent pas d'eux-mêmes. Les ulama de la sunna, ils ne font que citer et mentionner qu'est-ce que Allah et son messager a dit. Et c'est ça notre croyance. La croyance est établie et basée sur les preuves, non pas sur des déductions ou des jugements ou des affaires de philosophie. Et malheureusement, c'est ça. Peut-être une journée, je vais faire ça. Je vais vous ramener un livre des Asha'ira pour vous montrer comment ils sont à l'intérieur, comment ils expliquent, eux, la foi en Allah et la aqidah, pour que vous voyez vous-même comment ces gens-là, ils ont, hein, ils ramènent pas du tout la aqidah basée sur le Coran et la Sunna. Tu peux les compter sur tes doigts, les versets qui sont cités dans leur livre. Un livre de il y en a 300 pages, et dedans, il y a à peine des versets qui sont mentionnés. Pourquoi? Parce que leur aqidah n'est pas basée sur ça. Eux, ils disent, nous on affirme 7 attributs à Allah. Les autres attributs, on ne les affirme pas. Et les 7 qu'ils affirment, ils ne les affirment pas parce qu'ils sont mentionnés dans le Coran et dans la Sunna. Ils les affirment parce que pour eux, ça c'est rationnel. C'est établi par la raison, selon eux. Par la logique. C'est pour ça qu'ils les affirment seulement. Pas parce que c'est établi dans le Coran et dans la Sunna. Hein? Donc pour eux, ils disent, hein, comme la révélation, elle prouve rien pour eux. Ça, la tufidu al-yaqin, hein? La tufidu al-yaqin, tufidu al-dhan. Hein? C'est-à-dire que pour eux, la révélation, elle prouve pas une certitude. Elle donne pas une certitude. C'est la raison qui donne la certitude seulement. Hein? Donc pourquoi dans ce cas-là ils ont besoin de croire à un prophète et à un messager si leur raison peut établir pour eux leur croyance plus que la révélation? Alors pourquoi on a besoin d'un messager dans ce cas-là? Hein? Allah al-musta'an. Et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on continuera au prochain cours la semaine prochaine inchallah, ce cours-là. Et on reprend les cours mardi, Inch'Allah, comme dans notre nouveau programme. Parce que le lundi, il y a une pause. C'est un jour de congé. Donc demain, pas de cours. Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa iyaakum. Ismaïl, tu vas faire le Shuaïb, tu vas faire le Azan.